c'est nous de la carte fantôme. Laisse-toi, les méfants rôles, mon copain, welcome to plan. Viens nous chercher, le chino garde à fou, gang. On arrive en flanc, on s'arrête de charger le kilo de côte. Bang, bang, pose le match, je suis sur la table, on danse pas. Mal, on est tout mal, on est toujours en cas. Laisse-toi, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher. Pose le match, je suis sur la table, on danse pas. Mal, on est tout mal, on est toujours en cas. Viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher. On voit le shit, photo joue pédale, pas les couilles m'éclatent, j'envoie le flanc, photo joue mon zip, photo joue les vannes, c'est black lead, les toits comme les pas, rachet donné d'aille, Blancos, on veut claquer Igor sur un fond de rage. C'est Blancos un truc de dur, bah les burles, toi t'es sûr, tu vas pas finir la journée, viens nous chercher, viens nous chercher. L'éléphant rose, joie au bec, sur son arbre perché. Vlad, Chino, Dakar, Panto, au point ta propre consomme, l'oseille pas avant la cochonne. Pas petit, pas grand, Pierre c'est marat, gros délinquant. Où sont passés les Zoulous qui foutaient le feu au wagon. Black Peur, j'suis en plan Ménilois. PMSF2Z, footer de gars. Truc de dur, sniff la pure fond dans le mur. Black League 2, tiens pécho le seum en grosse coupure. Pose le match, sur la table, on danse pas. Mal, on est tout mal, on est toujours en cas. Lève-toi, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher. Pose le match, sur la table, on danse pas. Mal, on est tout mal, on est toujours en cas. Viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher. On parle de meufs, on parle de bises, de perquisés, de descents. Ils d'ici amènent un kilo au chaos si ta daronne descend. Kato Kaza, Yasga, je demande au petit Braza. Blacklist de Fianso, le son pète comme à Gaza. 93 plaques tournantes, les Schmitts filochent en tournant. 2005, les émeutes, n'oublie pas qu'on était bouillants. Du sud au nord, c'est Bagdad, braquage en gilet par balle. D'autres qu'on fasse sur la nationale, des rythmes, mettre des patates. Mettre des patates, mettre des patates. Enfile tes gants, aggrave tes couilles, man, si tu montes sur le ring. Ton rap, c'est un branchage, Jingo, ça ressemble à un jingle. Mon petit blond, c'est la jingle, sur une catégorie armée. Si ma vie prend forme humaine, à coup sûr, elle se fait interner. Pareil, t'as plusieurs cordes à ton arc, moi j'ai un tank. Escroc numéro 9, mon pied gauche, tes bras sur la tente. Et je les vois tous tes mains, du genre putain, là-bas c'est ce bull. Flash shock, man. Welcome to Blanchock, Blacklist, putain de Flanso, man. Le match, je suis sur la table, on danse pas. Mal, on est tout mal, on est toujours en ska. Lève-toi, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher. Pose le match sur la table, on danse pas. Mal, on est tout mal, on est toujours en ska. Blancor, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher. J'arrive à Blancor, car on charge des kilos scotchés. Mon calèche, mon Marrakech, sur un côté. Rien espagnol, sharp café, connecté. J'encule ta nouvelle star du rap, Emmanu Cartier. J'ai pas d'horaire pour faire les tunes, donc j'ai pas badgé. L'illicite pour la première carte du train de vie, donc j'ai. J'mis au cul, mec au cul, des reines d'Agé. Fais voyager, charger, banquette arrière à calme MG. Calme, on a pas France, défie-toi de l'eau qui dort, qui sait. Enlève charronnière, la pensée noire comme le drapeau, il sait. Pas de foot, on triche pas, bah ici tu piges pas les armes. La drogue, tout ça pour la quiche, ta élève gangsta. Autour du cou, y'a la corde, la vérité pour escorte. Ils sont séduits par l'échec, notre bloc vient marquer les crocs. Y'a le chino, garde à vous, garde à vous. Si tu veux tout croquer, bah commence pas à vous tester appel à marabout. Blanc, pose le match, sur la table, on danse pas. Mal, on est tout.